Est-ce que Kemal, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le travail pour toi, du coup ? L'argent, entrer dans le système. Quand on travaille, on paye tout ce qu'on a payé, sinon on finit SDF. L'État, il met à la porte, on finit SDF. Et pourquoi, du coup, dans le travail, qu'est-ce que tu dois faire dans le travail et qu'est-ce que tu penses qui est important dans le travail ? Aimer ce qu'on fait. Tu veux pas développer un peu plus, le mec ? Non, mais c'est pas ce que tu dis, mais faut développer, mec. Pratique, apprendre vite. Parfois, faut être malin, faut convaincre le client. Quand le client il repart, il revient avec beaucoup de monde. Quand tu reviens avec beaucoup de monde, j'ai encore plus d'argent. T'es le meilleur qui est malade. Ce que tu aimes ou au contraire, c'est quelque chose qu'on fait par dépit et ou par défaut. Attendez, enregistrement 1. Camélia. Bon alors, Camélia, pour toi, c'est quoi le travail ? Pour moi, le travail, c'est une occupation. On commence toujours pour avoir des bases à faire un truc, par exemple, qu'on n'aime pas. Et on finit peut-être par faire un truc qu'on apprécie vraiment. Enfin, une passion, quelque chose qu'on a toujours rêvé de faire. Enfin, voilà. Moi, je dis aider parce qu'en fait, moi, j'aimerais beaucoup travailler dans le social. Et c'est vraiment un truc qui me plaît, aider les gens, discuter, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Enfin, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que je dis aider. Enfin, parce que moi, j'aimerais bien aider les personnes. Parce qu'on m'a aidé à un moment, comme on m'a aidé à un moment, j'aimerais aider les gens à mon tour. Enfin, voilà. Et est-ce que pour toi, la notion d'argent, c'est une notion essentielle dans le travail ? Ah bah oui, enfin, j'ai envie de dire, l'argent ça compte beaucoup parce qu'il y a beaucoup de, la vie c'est plus gratuit maintenant, mais je préfère être moins payée et faire vraiment un truc que j'aime que être vraiment payée et faire un truc déprimant qui ne me plaît pas. Quand la retraite va arriver, je vais vouloir me poser et arrêter un peu, j'aurais peut-être économisé, je partirai, je sais pas. Mais en fait, je pense que le travail, c'est plus que ça. C'est les efforts qu'on met dans un projet, par exemple, sur un projet artistique. Bah, le projet qu'on est en train de faire, là, par exemple, on travaille. Pourtant, on n'est pas employé par une entreprise ou quoi. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'en fait, le travail, c'est tous les efforts qu'on peut mettre pour un objectif, un but qui, nous tient à cœur. Alors, faire quelque chose que j'aime moins ou alors qui correspond moins à mes attentes, mais avec un peu plus d'argent. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose et qui est difficile parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de thunes pour vivre, en fait. Fin de l'enregistrement de Briac Vanet. C'est quoi pour toi le travail, Mathias ? Pour moi, le travail, c'est une partie importante de la vie parce que c'est là où on apprend, où on s'épanouit, on apprend de nouvelles compétences, du coup. On apprend des compétences pour ensuite travailler dans des domaines qui vont ensuite nous permettre de passer une vie joyeuse ou pas forcément. Je prends des raccourcis. Qu'aimerais-tu faire plus tard, Mathias ? Plus tard, moi, j'aimerais très bien travailler dans le métier de l'audiovisuel. Donc, soit être un peu polyvalent sur tout ce qui est le son, l'image, scénariste, réalisateur et acteur. Quel grand projet ? Pas ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai pris des cours de théâtre pour être acteur, justement. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute.